مؤسسة شباب للإنتاج الصوتي تقدم ما كان شي ترمي في سيفيل ديزارمي جيليمين دي فرانسي سيفا سكيل فور ميرسي سانتور سيل كاترانشي Dans une foule déclenchée, j'explose des Français. C'est vaste qu'il faut remercier. Commando militaire, eux y commanditaire. Dillon se révoltèrent, Charon, Bicha, Voltaire. Vous pouvez tous le faire. Koulibaly, mon frère, le raf est payé cher. Carnage hyper cachère. Commando militaire, le y commanditaire. Dillon se révoltèrent, Charon, Bicha, Voltaire.